Unité 8, 4A. Bien, mademoiselle. Alors, vous avez étudié à Bordeaux? Oui, j'ai fait 3 ans d'études à l'Université de Bordeaux. J'ai un diplôme en gestion et comptabilité. Et vous connaissez le secteur bancaire? Oui, j'ai travaillé dans la Banque du Roussillon pendant 1 an. Et je vois que vous avez aussi de l'expérience comme vendeuse. Oui, j'ai fait un stage professionnel chez IKEA à Bordeaux. Et actuellement, je travaille avec mes parents. Ils ont un magasin. Bien. Parlez-moi de votre séjour en Angleterre. Alors, je suis allée à Londres pendant 1 an. Et là, j'ai travaillé comme fille au pair. J'ai appris l'anglais et... Alors, vous parlez bien l'anglais? Oui, assez bien. Et j'ai aussi étudié l'espagnol au lycée. Et dites-moi, quel emploi vous intéresserait?